Jamais que je te redirai je t'aime, j'attendrai que tu sois mienne, honorer ta famille, rester ensemble pour la vie. Donne-moi ta main, c'est notre destin. Je ne cherche que ton bien.